en soi maintenant, il peut prêcher. Amen. Il peut prêcher maintenant. Amen. Je vais donc parler dans des sources de bénédiction. C'est inévitablement. On est arrivé là-bas. Les sources de bénédiction. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Si vous êtes fatigué, me dites j'arrête. Si vous avez mangé assez, ou si vous jugez que c'est bon, j'arrête. Si vous ne voulez pas, je parle des sources de bénédiction. Mais ces sources de bénédiction aussi, pour voir là-bas, il va falloir que vous montez les pentes escarpées. Dis encore bonsoir à quelqu'un. Bonsoir. Une source, c'est un endroit où on vient puiser. D'accord? Une source, c'est un endroit. Généralement, dans le bois, vous qui habitez dans les zones où il y a les roches, il y a des choses, vous allez voir effectivement qu'il y a des endroits où Dieu a fait grâce pour l'eau sort du sol. Les gens viennent épuiser de l'eau. On arrange des très souvent pour que l'eau circule, pour ne pas être stagnée à la fin de garder la saleté. Quand l'eau jaillit du sol chaque fois, épuiser de l'eau. Et l'eau est généralement très claire. Et lorsqu'on puise l'eau là-bas, les gens, on ne veut pas que les gens y vont aller parce qu'ils vont y mettre des saletés là-bas. Donc les gens restent à l'extérieur, on puise l'eau. On puise l'eau, on met dans la bouteille, on peut boire, pas vrai? Pourquoi on voit cela? Vous buvez très tard la soirée, très tôt le matin, c'est très bénissant. Ça ne passe pas par le frigo, mais c'est bénissant. Quand vous buvez, vous faites, pas vrai? Donc on va dans les sources de bénédiction. Souvenez-vous, j'ai dit, on va passer par les pentes escarpées maintenant. Parce que généralement dans les villages, vous voyez, tout le monde passe, quand vous passez, vous allez puiser l'eau en montant, vous ne faites pas attention, vous glissez, ça les tombe, d'accord? Si vous êtes fatigué, avant qu'on avance, on donne de l'eau vidéo, ou bien vous devez la brûler. Parce qu'il va avancer. Et ça sera une série, parce qu'il va finir aujourd'hui. On va prêcher 4 ou 5 enseignements concernant ceci. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. De quoi est-ce qu'il est question, frère? Quand il parle de sources de bénédiction, par exemple, tu parles que c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu parles du Seigneur Jésus. Il est la seule source de bénédiction. Bon, vraiment, bon, c'est différent par lesquels les gens disent qu'ils ont acquis la bénédiction. Oui. Et à savoir si c'est du Dieu ou de Satan. Okay. C'est bien ça, frère. Donc, on veut voir quelles sont les différentes sources qu'on peut faire pour être béni. Oui. Béni. Je vais vous montrer la source principale. Qui veut être béni? Ah, bah, tout le monde. Il y a quelqu'un qui lève sa main, il dit tout le monde, il est présent. Il dit qu'il est tout le monde. Tout le monde veut être béni. En fait, qui veut que quelque chose de mal lui arrive? Même le pauvre qui a dit que qui veut de l'argent, il dit mais qui ne veut pas l'argent? On avance. Commençons donc quelque part. Ils ont dit qu'au chapitre 3. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Père, je suis entre tes mains. Je vais vous donner au fur et à mesure des versets, dès que ça va venir. Donc préparez votre cahier, puis le stylo, au fur et à mesure, il y a le premier passage. Les sources de bénédiction. Les sources, donc, sont des zones sur la terre sur lesquelles Dieu a placé lui-même, de sa propre initiative, des zones pour nous désaltérer lorsque nous avons besoin. D'accord? Lorsque c'est naturel, c'est pensé par Dieu pour nous bénir. Lorsque c'est naturel, lorsque c'est Dieu lui-même qui l'a fait, c'est pensé par lui pour bénir. Lorsque c'est artificiel, c'est dangereux pour l'homme. Donc, déjà demande à quelqu'un que évite les sources artificielles. Évite les sources artificielles. Je vous montrer quelles sont les sources artificielles tout à l'heure, d'accord? Vous prenez le combat d'abord, les sources, les bénédictions. Vous allez lire cette Bible ici, vous me dites, vous allez lire votre Bible autrement. Vous inquiétez pas, quand il dit les sources de bénédiction, n'allez pas penser qu'il veut dire, j'ai une version de Bible ici qui parle de sources de bénédiction. Les versets que vont lire, de toute façon, il dit Luc 3, c'est dans, vous avez lu, non? Vous avez les couleurs, vous avez passé là-dessus, non? Nous allons lire maintenant, nous allons découvrir les sources de bénédiction. Allons-y, verset 1. Je vais lire, suivez attentivement. La 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Judée, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Vous m'arrêtez à vous m'arrêter ici. On dit que cet homme-ci criait pour préparer le chemin de quelqu'un qui devait être manifesté. N'est-ce pas, frère? Alors, il a préparé son chemin. Il est venu se manifester Jean-Baptiste a préparé le chemin, il est venu effectivement. Alors, boulot ici, avant que Christ ne vienne, on va préparer également son chemin. Il y a un style de vie qui l'attend afin qu'on il se manifeste. D'accord, frère? Maintenant, écoutons bien. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Vous avez vu quoi dans notre appel, ce qu'on dit là? Et les chemins raboteux seront aplanés. Et toute chair verra le salut des dieux. Il disait donc à ceux, c'est bon, ça a été intéressant, mais il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Maintenant, écoutez bien maintenant. 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Quelle question, vous parlez maintenant. Que devons-nous faire pour respecter les conditions? Pour respecter la condition pour entrer dans le salut qui nous est promis, qui arrive au-devant de nous. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il n'a pas trouvé une nouvelle doctrine. Parce qu'il n'y a pas de doctrine nouvelle sur la terre. La doctrine a déjà été établie une fois pour toutes. Mais là, regardez. 11. Il leur répondit que celui qui a dit les partage avec celui qui en a. Et que celui qui a de quoi manger agisse des. Vous voyez ce qu'il faut faire, frère? Il a fallu que Dieu envoie le prophète du siècle dit ça. Donc, quand quelqu'un s'en veut, tu manges, tu parles, tu manges, tu dis, j'ai pour avoir ton boulot, pour travailler aussi pour manger. On n'avait pas l'amour fraternel. On ne comprenait pas que quand l'autre souffre, ça m'indique également que demain il peut souffrir. Souvenez-vous, quand vous êtes dans l'abondance aujourd'hui, vous criez, vous regardez les gens avec des dettes. On ne sait pas ce qui arrive, on ne savait pas à quoi le lendemain est. Un de ces jours, il y a une guerre, tout le monde sort. Lui qui avait souvent fait, il est habitué à vivre dans la famille. Toi qui mangeais chaque jour, il va rester dans la forêt. Parce que quand il avait faim, il voit les mille pas, il mangeait, le crâne, il mangeait. Quand vous êtes dans le chat, il te guette comme ça. Il prend les mille pas, il mange devant toi comme ça. Là. Tu le dis, il ne mange pas. Ta joue entre devant doucement, doucement, doucement, doucement. Tu tombes là pour faire les squelettes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même la pauvreté est un entraînement. Continuez ici, regardez. Il veut aussi des publicains pour être baptisé. Et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Donc Dieu vient toucher dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Il nous demande, Dieu nous demande qu'on vive droitement. La bonté et la fidélité, la justice et la droiture. Dieu veut qu'on vive comme ça, que tu vives normalement. Quand tu vis normalement, tu glorifies le royaume. C'est une expression du royaume. Parce que la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. D'accord, frère? Il dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, prenez l'argent des taximans avec le dossier. Vous avez de sa volonté. Vous voyez les policiers ont des problèmes, n'est-ce pas? Donc, un de ces jours, je vais parler des policiers au service du Seigneur Jésus. Policiers, soldats et gendarmes au service du Seigneur Jésus. Magistrats, juges, procureurs au service du Seigneur Jésus. Médecins au service du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est soldats militaires au service du Seigneur Jésus. Ils sont mal barrés. Donc, on a normalisé le fou au point où quand il fait pire. Vous voyez les gendarmes là-bas. Je crois que j'ai reçu une vidéo dans mon truc où il y a un gendarme qui fait un film. Il regarde de l'argent pour dire qu'il a travaillé l'argent aujourd'hui. Il va appeler dans ce truc. Il a l'argent. Vous demandez si son bureau là-bas. On fait pire, il fait pire, il reste là. Le camion va garer loin là-bas. Il court avec les dossiers. Le camion a des contenances. Le camion a des contenances. Il y a des choses à l'intérieur du camion. Il ne veut pas savoir ce que c'est. Si c'est l'amour, tu donnes 5 000 ou 2 000 selon le nombre qu'ils ont donné, tu continues. Ils sont censés garder la population. Laisse passer. Ce qui reste, c'est 2 000. Vous voyez ça, frère? Vous voyez le camion rouler, vous voyez un camion devant vous, dont la roue est totalement foutue. Avec des charges de grumé. Cette bulle de bois là, si la roue fait pas, ça s'incline, la chaîne se coupe, le bulle de bois tombe sur les passants. Alors qu'il a autorité pour faire arrêter ça là-bas, il faut qu'on immobilise là parce que c'est un danger pour la population. Parce qu'il croit qu'il prend 5 000. Si ça traverse devant lui, ça va, ça tue les gens. Il ne sait pas qu'il est coupable devant Dieu. Il va rentrer chez lui, il va entendre qu'un camion de bulle de bois a tué les gens à tel endroit. Il dit ouais. Mais le camionneur s'y dérange. Il ne sait pas qu'il est là. Il porte le sang de cette personne-là devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, tous les secrets de la vie doivent être balayés par l'évangile. Ces gens-ci, il faut qu'on leur dise la vérité. Vous suivez? Amen. On passe, vous voyez, un camion roule, ça n'a pas de phare de signalisation. Il y a des rouler, il clignent à gauche, à droite, tu vas savoir là où il va. C'est comme ça que ça crée les dégâts. Le problème, c'est que si on tient du côté des soldats, ou bien les le soldat et les gendarmes se tiennent là-bas, ils ont autorité pour arrêter cela. Mais moi, je dis que s'il arrête là-bas, la personne qui a ça à l'arrêt va appeler le juge, on va demander d'aller. Si tu arrêtes d'abord, pour que ça ne calme pas sur terrain, tu te remets. Si on arrête, non, il laisse maintenant. La personne qui a dit laisse. Si quelqu'un meurt devant Dieu, c'est entre ses mains. Mais toi, tu dois faire ton devoir. Et tu prends 5 000 euros, tu manges, et que ça a la vie des gens. Tu as vendu la vie des gens à 5 000 francs CFA. Mais eux, ils ne savent pas. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Juste parce qu'ils entrent dans l'église et que l'église dit. C'est pour ça que je dis que c'est l'église qui doit saler le monde. C'est nous qui devons lui donner la lumière parce qu'il ne sait pas que c'est. Tout à l'heure, quand il rentrait à Idea, il y a un militaire, un policier, il s'est rentré dans la vie qui m'a stoppé. Là, tu parles de ça. Il a fait le jeu des fois, il ne savait pas qu'il était dans la voiture. Quand il est stoppé, il est arrivé jusqu'ici. Il dit ok, comme tu m'as stoppé, il ne savait pas qui vous êtes. Il, quand il dit comme je suis, bossé de vie, il dit comme tu ne sais pas comme je suis, qui était. Maintenant, comme tu as su, tu dois devoir me donner, comme ils disent, il dit tu vas me donner la boisson maintenant. Je suis sorti à Idea à 7h, on est arrivé vers 7h40. Il a dit que le matin, le 20 ans, ils ne sont pas ouverts le matin, que je n'ai pas encore travaillé. Je lui ai sa parole. Il dit qu'il n'a pas encore travaillé. Donc, il n'a pas pu stopper. Il a un mot sur lui. Mais il dit qu'il n'a pas encore travaillé. J'ai regardé mon fond, bon, ben, il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi il a donné lui. Mais il s'est dit que le travail, c'est pas pour donner l'argent. Je dis, ok, comme ça, on va encore travailler, comme les enfants étaient derrière, mais c'est la vie de l'enfant. Il dit à l'enfant que, dis à l'inspecteur que même le biscuit pour aller à l'école. Il dit petit enfant, il n'a encore travaillé, mais les boutiques ne sont pas encore ouvertes. Donc s'il avait travaillé, il aurait donné là. La question c'est, qu'est-ce qu'il travaille là-bas pour avoir l'argent? Qu'est-ce qu'il travaille là-bas pour avoir l'argent? Donc ça veut dire que s'il était venu 29h, il aurait là sa première deux voitures avec la pénalité. Si quelqu'un est en infraction, il prend de l'argent, il le laisse passer. Normalement, il ne peut pas faire cela. Si tu as une infraction, on va te garder sur ce que tu règles le problème. Parce que si tu roules, on dit que monte ta visite technique. Tu n'as pas fait la visite technique. Parce que la visite technique révèle que tes freins sont en défaillance. Tu n'es pas seulement pour en danger, d'autres personnes sont en danger par toi. Parce que tu es à 120 km, tu appuies sur le feu, ça ne donne pas, les gens vont mourir. Pas vrai, frère. Amen. Alors, si tu prends 500 à ces personnes, tu les laisses passer, alors la vie des personnes qui vont mourir, là, Dieu te demande. Vous voyez, non, c'est même pas le sujet, je parle des choses de bénédiction, ça va entrer partout ici, là. Dans toi aussi. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, prenez le dossier des policiers avec 500. Vous avez vu ça, frère? Il a dit quoi? Ni combat, ni extorsion, ni faute envers personne. C'est ce qu'il écrit, frère. Regardez bien, regardez vous les uns les autres. Dites que si vous avez vos frères qui sont les gendarmes et les policiers. Si vous avez vos frères qui sont les gendarmes et les policiers. Dieu lui délit Luc 3. Dieu lui délit Luc 3. Ne prenez pas le verset 14. Dites qu'il lit ça lui-même doucement. Ne prenez pas le verset 14. Quand il voit un soldat, ça va attirer son attention. Ne lui dis pas que va rentrer le verset. Laissez-le lui parce qu'il y avait des soldats. Quand il va devoir dire les commentaires, ils sont une faute. Salut. Tu vas encore passer chez lui, tu vas voir. D'accord. Il ne commettait ni fraude envers personne. Et comme, regardez bien, regarde le commandement. Et fait quoi? Un de toi, vous avez vu ça, frère? Ça, comment il a dit ça? Le prophète vient. On l'a envoyé. Et Isaïe avait proposé qui devait venir pour faire le chemin du Seigneur. Dieu dit que pour que tes chemins tortueux soient redressés, si tu es policier, tu dois te contenter de ton sol. Quand tu signes pour les entraînements, quand tu signes la fiche de paye, tu dis, tu acceptes qu'on doit te payer, on doit te diminuer selon tes droits et tes échelons. Si tu as passé 75 000, comprends-toi de tes 75 parce que c'était en connaissance des causes avant d'y entrer. Ça ne va pas, tu démissions. Vous me suivez, frère? Amen. Et contentez-vous de votre solde. Donc, si tu manges frauduleusement, tu ne sais pas son salaire. Comment les gens vont s'en sortir devant Dieu? Donc, il y a le militaire, les gendarmes, l'enfant et le fusil. Quand ça va faire pas, ils vont tirer, quoi que c'est quelqu'un qui a défait, alors que c'est le feu qui a le brûlé. Donc, contentons-nous de notre solde. C'est ce qu'il a dit. Jusque-là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les sources de bénédiction. Écoutez, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à vous, à tous, moi, je baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la gloire de ses souliers. Lui, il vous baptisa du Saint-Esprit et du feu. Vous y êtes? Amen. Maintenant, regardez, verset 21. Tout le peuple s'est faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pas vrai? Maintenant, je vais vous ramener encore au même parce qu'on a traversé le verset que je voulais qu'on voit. J'ai fait ça exprès parce que je vous dis qu'on va parler de sources de bénédiction. On a lu la source de bénédiction quelque part. Rentrons dans là-bas. Regardez. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes des chrétiens. Eh, nous sommes des chrétiens. Moi, je vais aller. Tu es quoi? Je suis chrétien. Mais ne dites pas ça, ça ne compte pas pour vous. Dieu, il faut une preuve. D'accord, frère? Amen. Mais regardez bien. Verset 9, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il a répondu, écoutez bien, voici la source de bénédiction. Donc, le verset 11 donc parle de la source des bénédictions. C'est là où je vais faire. Le verset 11. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous êtes les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. On va en parler maintenant. En milieu de nous, donc, en milieu chrétien, ou bien en milieu du monde, nous sommes des chrétiens. En milieu du monde se trouvent donc des sources que Dieu a mis comme ça pour bénir les gens. Quand vous quittez, vous allez chercher les sources, vous dites qu'il y a une source quelque part là-bas. Sachez que vous allez dire comme ça que voilà les sources. Mais ce sont les prophéties de Dieu. Comme vous avez dit, vous avez habité des endroits où il y a des sources. Personne ne crée la source comme ça. Et ça bénit les gens. Donc quand tu pars là-bas, ça, la source a été bénie. Écoutez ce que ça t'a dit. Bon. La source a été bénie. Tu viens prendre quelque chose là-bas, ne sachant pas que tu prends ça. Mais elle est toujours là-bas. Pas vrai, frère? Mm-hmm. Écoutez bien, je vais vous dire toute attention. J'ai dit, vous allez à la source. Vous puisez l'eau. Vous êtes béni, pas vrai? Mm-hmm. Vous rentrez à la maison avec cette eau, vous êtes content. Mais vous venez encore, l'eau est toujours là. Je vous pose la question, ça sort d'où? Ça sort d'où? Le sol fabrique l'eau, frère. La source est là pour bénir, n'est-ce pas? Ok. Écoutez tout attentivement maintenant, écoutez, dans cette première partie. Les étrangers. 1. Les veuves. 2. Les pauvres. 3. Les orphelins. 4. Sont des sources de bénédiction. On va en parler. On va en parler de fond comme dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Vous voyez ces choses-là. Il y a des gens qui sont malades, ne sachant pas ce qu'ils ont fait. Tout simplement parce qu'ils ont refusé la nourriture à un pauvre. Refusé la nourriture. La maladie t'attrape. Les sorciers t'oppressent à cause de cela. Ça peut vous venir chez le pasteur, vous donner la chose. Je vais vous parler aussi de la source artificielle, d'accord? La source naturelle bénie. La source artificielle bénie, quoi. Je vous glisse sur les sources artificielles pour vous comprendre. La source artificielle consiste à appeler sur le numéro d'un pasteur. On lui a dit que tout contact de toi, c'est un tel référent pasteur docteur tel. Son bureau est situé en plein appareil, le mur Kassa. Tu viens là-bas, du coup, on te fait entrer, tu achètes des bouteilles d'eau avec le mouchoir. Tu entres, t'assois. Tu as mon anan. Il faut venir avec l'enveloppe, prépare l'enveloppe, on ne fait pas chez le serviteur, Dieu, mais oui. Là, ton voisin, c'est les sources artificielles. Vous avez suivi ça? Bah, c'est les sources artificielles. Tu crois que quand tu entres dans son bureau, c'est vraiment clair. Tu vois la sérénité qui est là-bas, la climatisation, tu dis waouh, Dieu a béni cet homme-ci. Le fémin qui couche avec les femmes partout vole l'argent à plus de grande climatisation que lui. Donc la climatisation n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. Je vous montre la source, les sources de bénédiction. Pourquoi vous ne ratez pas ces choses-ci? Ceci est source qui est naturelle. Vous savez que si vous allez chaque fois, ça va vous bénir. Vous allez chaque fois, ça va vous bénir parce que ça sera toujours là. Je suis ça, frère. Psaume chapitre 41. Il veut seulement planter le décor. C'est la première partie ici. Planter le décor, il faut qu'on lit 2, 3, 4 versets. Je vous explique et puis on avance. La prochaine fois, d'accord? On vient dans la deuxième, troisième partie selon que Dieu nous conduit. Alors les sources de bénédiction, ce sont des, comme j'ai pris le cas là, ce sont des lieux, des personnes que Dieu a normalement, de façon solennelle, placées au milieu de nous pour nous bénir au travers d'eux. D'accord? Des personnes que Dieu, dans sa souveraineté, a placées pour nous bénir au travers d'eux. Comme la source qu'il a placée pour nous bénir au travers. La source est toujours là. Ça peut être sale, mais un peu comme vous venez, vous libérez comme ça, vous prenez. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous allez à l'eau, vous ne voulez que pourquoi ici, pourquoi c'est là, qu'est-ce que je suis censé faire ici. Vous pouvez voir naturellement, vous voyez que c'est naturel, c'est pas naturel. Tout est prophétie. Chapitre 41, vous y êtes. Amen. Disons du verset 1 à 4, mon cher ami, disons, allons-y. Écoutez très bien, vous vous aurez. Au chef des chambres, au psaume de David. Oui. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Stop. Vous avez vu? Amen. Donc, un être humain qui s'intéresse aux pauvres est comment? Heureux. Alors, la question c'est, comment je m'intéresse aux pauvres? Je commence à prendre la chose des pauvres à cœur. Et comment je suis heureux? Vous voyez ça, frère? Amen. Il dit ici, on commence par heureux celui qui s'intéresse à qui? Aux pauvres. Je vous ai dit, il y en a quatre types de personnes. Il y a les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers. Ces quatre-là, ce sont les sources de bénédiction. Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Puis on dit, il dit, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Le délivre. L'Éternel le délivre pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Vous avez entendu? Quelqu'un dit les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Bon, les gens, souvent, ils ont de l'argent, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils disent, ils vont donner au pasteur. Quand le pasteur voit, tu t'as mis dans le propre pasteur, les gars, il voit des billets. Hé, cha. Je chasse tout que désormais mon fils. Que sache que tu es dit, c'est cela, je ne suis pas dans les gars. Oui, quand moi je blesse, que Dieu va te blesser. Tu vas te blesser. Alors, il met les mains sur toi, il prie, il dit, je commande, comme tu as donné, que ça Dieu multiplie au multiple, une centuple au centuple, que désormais que c'est quelqu'un qui passe à côté de ta main, c'est l'oiseau mort, que Dieu le tue, il meurt encore. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne donne pas les offrandes pour flatter Dieu, d'accord? Amen. On ne donne pas les offrandes. On dit, on va prendre le temps que ça va prendre pour que vous soyez bénis de la bonne façon. Amen. Ne pensez pas quand vous prenez vos choses, vous allez donner aux hommes de Dieu quand on dit vous êtes bénis. Ce n'est pas comme ça. Il y a des fausses sources de bénédiction, ce qu'il appelle les sources artificielles. Il y a des sources de bénédiction que Dieu a normalement. Il faut que Dieu soit présent pour que vous fassiez comme Dieu dit. Maintenant, ici, il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le livre. On dit ici que Dieu va nous délivrer parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Parce que lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, n'ayant rien pour te donner en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, oh Seigneur, protège cette personne-ci. À cause du fait que tu en donnes le malheur, la prière de ce pauvre-ci, ça te délivre. Amen. Lui, il est pauvre, il t'a délivré. Donc, c'est ta source, c'est la source. Continue, ce n'est pas terminé. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Vous avez entendu ça, frère? Bon Dieu te protège à cause de qui? Du pauvre. Déjà, ton voisin ne méprise pas le pauvre. Continuons. Il est heureux sur la terre. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Donc, quand il est dans le lit de douleur, qu'est-ce qui croit? C'est pas Dieu, le soutien. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Quand il est malade, Dieu le soulage. Pourquoi, frère? Parce que c'est l'intéressant. Quelqu'un dit les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Ça, c'est un peu. Voir. Est-ce que vous dites les sources? L'Éternel m'a envoyé, il m'a gagné des rires. Il me fait maintenant les voies partira. Tu m'as tué les partira qui sont sèches. Écoutez tout attentivement. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Dis que vous connaissez Dieu, vous ne connaissez pas ses principes. Parce que s'il connaît mon père, je sais qu'il n'aime pas que j'entre à 22h à la maison. Je sais que mon père n'aime pas quand il a des parents, il voit le match, puis il passe en faisant du bruit. Il n'aime pas quand il est dans la chambre, on ouvre la chambre sans qu'on me toque. Je connais les principes de mon père. Tous les pères n'ont pas ces principes-là. Vous allez de maison en maison, chacun a ses principes. Mais notre Dieu, dans sa souveraineté, a mis ses principes là pour qu'on les apprenions. C'est l'un de ces principes que nous sommes devant aujourd'hui. Les sources de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Allons dans le livre des Proverbes chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Vous êtes dans le psaume là, allez dans le Proverbe chapitre 19. Nous vous éloignez pas dès que vous finissez, on va rentrer dans les psaumes, le livre qui vient avant le psaume là. C'est pas comment vous appelez ça? On va aller là-bas, on va sortir. Et nous, je vais vous donner la prochaine séance. Beaucoup d'autres versets. Donc, mais souvenez-vous, les sources de bénédiction qui sont brutalement, dont Dieu nous attend au tournant, sont nombre de quatre. Brutalement. On va voir cela. Je n'ai qu'un de l'heure devant vous. Prenons le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, il lui rendra selon son œuvre. Stop. Vous entendez? Celui qui a quoi, frère? Celui qui a pitié du pauvre. Il fait quoi? Prête à l'Éternel. Qui va faire comment? Qui lui rendra selon son œuvre. Donc, en réalité, les pauvres sont les banques de Dieu. Donc, la Bible déclare que pour garder ces choses dans une banque, La banque que Dieu a sur la terre, ce n'est pas SCB. Ce n'est pas BISEC. Ce n'est pas compte numéro 6, en tapant la clé 01 à la fin. Non. La clé de Dieu, la banque de Dieu. La banque de Dieu. Commence par P. La dernière clé, c'est E. Pour être plus simple, son nom, c'est pauvre. Bon. Il dit, celui qui a pitié du pauvre, fait comment? Prête à l'éternel. Et comme Dieu peut être débiteur de personnes, il va faire comment? Il lui rendra selon son œuvre. Il n'a pas dit, il te rendra ce que tu as donné. Écoutez ça attentivement, ce que le Saint-Esprit dit. Il a dit, et c'est pour ça que vous voyez comment la Bible est tellement en harmonie. Tout à l'heure, nous avons lu psaume 41. Il dit, si tu prêtes au pauvre, donc que tu donnes au pauvre, Dieu te rassure qu'il va te remettre parce que c'est à lui que tu as prêté. Donc, derrière l'ombre du pauvre se trouve Dieu. Alors, lorsque tu donnes au pauvre, Dieu dit que c'est à lui que tu as prêté. Il dit qu'il va te rendre selon ton œuvre. Au chapitre 41, Jean va dire que quand tu t'intéresses seulement au pauvre directement, Dieu regarde selon ton œuvre, il regarde dans l'œuvre. Qu'est-ce qui dérange le sorcier? Il est traite. À la maladie, il est traite. Les gens qui veulent te faire du mal, il est traite. Pourtant, tu as donné peut-être de l'argent ou bien de la nourriture. La nourriture, Dieu te convertisse là à une autre devise. Alors que cet argent va se garder pour ta maladie, c'est pour que tu dépenses cet argent, ça finit, la maladie ne bouge pas. Oui, ça se fait. Là, ton voisin convertit ton argent. Dans la devise divine. Voilà. On peut avancer. Jean chapitre 31, la maison du soir. Les sources de bénédiction. Je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Mais n'allez pas croire ce qu'il dit que venez avec les enveloppes, de donner ce qui vous blesse jusqu'à ce que vos cœurs fait mal. Donnez ce qui va vous faire mal dans le tout, jusqu'à ce que tu sens que ça fait mal. Dieu n'a pas demandé de donner ce qui. Dieu n'a jamais. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi, regardez-moi bien. Dieu n'a jamais. Il n'y a pas un seul passage ici qui vous dit de donner ce qui vous fait mal. D'accord? Ne vous faites pas mal. Dieu dit, Dieu veut que vous donnez ce qui vous fait la joie plutôt. D'accord? C'est bon, les pasteurs, ils ont la Bible tombe froide. Maintenant, Job chapitre 31. On y va. Job, si vous avez ouvert le psaume tout à l'heure, vous rentrez tout simplement avant le psaume. Job se situe avant le psaume. On y va. Chapitre 31, je vais lire à partir de ça, un sujet très attentivement. Il dit, c'est le monologue des gens. Quand il lui parlait pour justifier sa cause du fait que, quand il était dans les bénédictions, il n'a pas laissé passer cette chose devant de lui. Il va nous donner les informations. D'accord, frère? Je vais revenir très attentivement. Job chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous avez vu cela? Quelle part Dieu m'est-il réservé d'en haut? Quel état de tout puissant m'est-il envoyé des cieux? Écoutez bien, écoutez. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, vous avez vu, n'est-ce pas? Un, mensonge, deux, fraude. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Donc cet homme, si vous dit, il ne mentait pas. Il ne marche pas dans la fraude. C'est un défi pour nous. On a quelqu'un, un être humain. Il se tient devant les hommes, il dit jamais, il n'a pas commis les péchés. Si Dieu se tient devant les cibles, il veut lui dire qu'il n'est pas péché. Il connaît mes voies. Je n'ai pas marché dans le fond. Pourtant, c'est l'homme le plus riche. Il est à l'état, comme on regarde dans notre époque, il est comme Bill Gates. Pourtant, quand les gens ont un peu d'argent, c'est que les gens sont dans la communauté, quand ils ont de l'argent, ils te nagent avec de l'argent. Les gens, ils peuvent arracher tout le contraire. Ils sont le mari derrière, comme ça. Il dit que le bon, la femme soit avec la chimie dans la bouche, continue de toute façon ici. Verset 5, il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. C'est un homme riche, fort riche, dit la Bible. Écoutez, si mon cœur, non, je crois que, verset 7 là, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souris s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne. C'est un être humain qui a donné des implications comme ça. Continuez très attentivement, regardez. Et que mes rejetons, c'est-à-dire quoi, frère? Soit déraciné. Verset 9, écoutez, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, lui dit car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Écoutez, c'est pas fini. Il parle ici de l'adultère. lui dit, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Donc quelqu'un qui risque de vivre en adultère, il vend ses richesses à Satan sans en rendre compte. Les gens, quand ils ont l'argent, ils ont le droit de se tourner les femmes. Écoutez, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, donc quelqu'un travaille chez toi, ils ont donné 25 000 francs, et travaille du 1er au 20, vous êtes en forme, tu parles de Emma, comment, et tu es comment, 22, tu vas le payer le 25, 23, tu dis que pourquoi il y a la poussière ici? Alors que ce n'est pas la poussière qui vient chercher, c'est parce que tu ne peux pas lui donner son argent, le 25 chef, tu ne peux pas lui donner son argent. Il dit ici, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu s'élève? Donc il avait dit ces choses, c'est déjà des choses que Dieu punit. Donc si tu as des problèmes, tu emploies quelqu'un, tu ne donnes pas son argent comme c'est doit. Vous avez des contestations, tu le méprises. Il dit, Dieu va entendre la contestation. Écoutez, il dit, qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formé dans le sein maternel? Écoutez encore, verset 16. Si j'ai refusé au pauvre ce qu'il demandait, souligné au pauvre. Donc le verset 16 nous interroge, pour aller noter le verset 16. Si j'ai refusé au pauvre ce qu'il demandait, écoutez, si j'ai fait languir les yeux de là, notez, pauvre et qu'il n'a si j'ai mangé seul mon pain sans que en ait eu sa part. Vous avez vu cela? Il a parlé de trois de ces catégories là ici. Un, qui? Deux. Toi, il dit, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu, donc ça dit que c'était sa vie quotidienne. Vous avez vu ça, frère? Continuez ici. Il dit, si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture. Notez Isaïe 58. Vous avez dit quand les versets sont venus, vous en donnez. Isaïe 58, verset 1 jusqu'au verset 12. Et la prochaine fois, nous allons revenir. On avance. Et si j'ai vu le verset 19, si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que, écoutez, verset 20, sans que ses reins. Mais béni. Vous avez moi, frère. Sans que ses reins, mais béni. Vous soulignez le verset 20. Job nous informe que quand il allait vers les malheureux, vers les orphelins, quand vous allez dans la source, comme je disais dans mon introduction ici, quand je vais vers lui, quand il allait vers lui, c'est comme si vous allez à la source. Il dit que ses reins faisaient quoi à Job? Ses reins faisaient quoi, frère? Donc quand Job allait vers le malheureux, vers les pauvres, il partait de quoi? Les prophètes connaissent ces choses, ces principes-ci. Je ne parle pas des prophètes de l'époque. Je ne parle pas des prophètes de notre époque. Je ne parle pas des prophètes de la Bible. Ils connaissaient que il n'y a pas plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Tu dois donner plutôt. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais le pasteur aujourd'hui, il pouvait vendre plus comme ça, combien de femmes on sait. Il dit donner, donner. Ce sont les ventes aux dimovores. Il dit. Ils dévorent les dimovores. Ici, il dit, mais c'est vers la partie A, sans que ses reins m'aient béni. Donc, dans les reins des pauvres, se trouvent les bénédictions. L'homme sage s'est épuisé des sources de bénédictions. Vous avez vu ça, frère? Bonjour, Pasteur Prince, le Seigneur et sa bénédiction venaient de faire qu'il soutenait les malheureux. Ici, on va être cette année. On avance, frère. Amen. Et sans que de l'homme est venu, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes aïeux. Si j'ai levé ma main contre. Regardez bien. Vous êtes fatigué? Non. Si j'ai levé ma main contre. Non. Parce que je me sentais un appui dans les juges. C'est-à-dire que comme il était riche, il a son ami qui a la cour suprême. Comme il est en toi avec un orphelin par là-bas, il était très bien orphelin aussi. Quand tu fais ça, tu ne comprends pas. La Bible déclare dans ces choses en elle-même que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans son Saint-Âme. Il dit que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu me couvrent et je n'ai plus rien devant sa majesté. Vous avez vu? Lui dit, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, Donc, malgré qu'il avait la richesse, son cœur n'était pas attaché à la richesse. Mais ce qui retient notre attention, c'est les versets 16 à 20, où il nous dit clairement que les sources de bénédiction sont les orphelins, les pauvres, les malheureux, les veuves. Il nous dit clairement que ce sont ces reins-là qui le bénissaient. Et quelles sont les sources de bénédiction? Les sources de bénédiction. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Je m'en remets parti encore. Proverbe chapitre 11. Vous voyez, Dieu avait tellement régularisé ces choses au point où, parmi les dîmes, par contre, les pasteurs n'ont pas vous expliquer, parmi les styles de dîmes, il y avait une dîme chaque trois années où les gens devaient mettre or. Il dit la troisième année, n'oublie pas de mettre hors de ta porte de toutes les dîmes, sorcières, toutes les dîmes. La troisième année, vous mettez devant votre porte. Et telle enseigne que les Lévites, les pauvres, les orphelins, les étrangers, qui n'ont nulle part, venons manger et tu seras béni. Ah, maintenant, on va y aller. Ne vous inquiétez pas. Merci Père, on va y aller. C'est que j'en ai cité pour qu'on lise, vous voyez encore, d'accord? On va dans Proverbe chapitre 11. Proverbe, permettez-moi de trouver le chapitre 11. Qu'est-ce qui se trouve? Chapitre 11 de Proverbe. C'est le principe du Seigneur, tout simplement. Proverbe chapitre 11. On avance. Verset, il veut lire verset 26 d'abord. Prenez verset 25. Oh, c'est fort, c'est partout seulement ici. Hein. Ah mon Dieu. On y va. Regardez. Verset 24 d'abord. Regardez. Notons à partir du verset 24. Donc ça commence au verset 24. C'est ce qu'il veut dire. Regardez. Tel qui donne libéralement devient plus. Vous avez vu ça, hein? Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'approuver. Ce que vous venez de dire est contre au principe mondain. Amen. Le principe mondain veut que quand tu as de l'argent, tu peux aller dans la banque dans le taux des. Vous appelez, c'est pas vous appelez ça. Tu mets, tu laisses là, donc il laisse à 10 ans. Il a là t'appelé à 4 à la maison. Il t'a regardé. Il dit waouh, 8 milliards. Il dit SCB, c'est combien? On dit Dieu pour ça. Dieu lui dit ça, il dit madame, ça ne marche pas. C'est combien? 5. Waouh. Il est là-bas. Alors, Dieu dit ici que, en fait, quand tu as de l'argent comme ça, si ça te dérange, il n'y a qu'une seule façon de faire. Donner. Faire sortir ça libre. Et regardez bien, regardez le mot. Tel qui donne, jusqu'à ce que ça lui fait mal, devient plus riche. Vous avez vu ce qu'il crée? Le mot c'est quoi? Libéralement. Donc, après, je m'accorde quand même, on dit que donner ce que vous faites, on dit que parce que tu es un menteur. Ça se voit dans la Bible. Dis-leur cela pour que ça leur séparer. Il est tel qui donne libéralement, devient plus riche. C'est libéralement qu'on lui a donné. Vous remarquez, genre, personne n'avait jamais de données, d'après ce qu'on a lu là-bas. Il est dès sa jeunesse, il le fait. Il n'a pas mis sa confiance dans l'or ni dans l'argent qu'il avait. Il n'a pas dit que tu es mon espoir, son or, n'est-ce pas? Mais là, ici, il dit, tel qui donne librement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand vous lisez la Bible de cette façon aussi, vous devez vous poser vraiment des questions si vous croyez Dieu. Que non, je mets 10 000 de côté chaque mois, 12 mois, ça fait 120 000. 120 000. 10 ans, 120 000, pour ça fait 12 millions, waouh. Pour ça, l'enfant, c'est en grandissant 12 ans, là, c'est 12 millions qu'il va tourner avec. Ok, pendant que tu fais ça, l'enfant qui est à côté de toi qui souffre, il fait comment? L'enfant du voisin, l'orphelin qui est à côté de toi, il a été introduit, il dit que quand tu vois l'orphelin passer à côté de toi, juste lorsque tu le vois, il est introduit, il veut lui dire, qui va mettre son argent dans ma banque, qui va mettre son argent dans ma banque, il va mettre son argent dans ma banque. Tu dis, oh, je mets la SCB, je mets la SCB Crédit Lyonnais, je mets la BCF. Quand la question de voisin est le bon regard de Dieu. Mets dans la banque de Dieu. Je vous ai dit ici la dernière fois dans un enseignement que les gens aiment quand ils ont la conversion, que quelque chose lui donne plutôt. Mais pour aller donner, c'est un problème. Parce que si vous comprenez le principe de Dieu, voici, je vous le dis maintenant, voici le secret de notre vie, mon épouse et moi. Voici le secret de notre vie. On n'a pas de compte en banque, il n'y en a pas. On dort son compte, quand il y a les banques, on chante des cantiques. Vous remarquez, les cantiques, vous entendez les jeunesses. Quand vous entendez la voix, vous savez qu'on avait faim. Les cantiques, vous entendez là, on avait faim. Et c'est le moment merveilleux. Oh, parce que tu chantes de tout ton air. Parce que tu viens chanter comme ça, non, tu vas venir là-bas te donner. Non, non, non. Tu viens chanter, ça épuise les dernières énergies que tu avais. Chacun boit l'eau et dort. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il a dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous n'allez pas faire ça calcul avec le Seigneur, j'ai sémillé de nos pasteurs. Dieu n'a pas dit que faites le calcul avec moi, je vais vous donner la réponse. Il n'a pas dit ça. Il a dit, fais de l'intellect et délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est pas dit comme Seigneur, tu sais que l'église, c'est pour que les hommes entendent, quand tu as menti Dieu. Tu veux mentir un homme, pas Dieu. Celui, lui, dans lequel il sait ce que ton cœur désire. Si c'est quelque chose pour aller naguer les gens, il sait que tu as quelque chose pour aller naguer les gens. Là, dans Jacques 4, il dit que vous demandez, vous ne posez pas, vous demandez mal dans la petite satisfaire votre convoitise. Adultère que vous êtes. Donc, ne pas toujours faire l'adultère. Vous voyez ce que c'est pas frère? On va y revenir. Donc, le principe de Dieu, c'est donner libéralement ce que tu en as de s'aimer comme ça pour t'enrichir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en a dit? Permettez-moi de le dire, c'est que mon père dit ici. Écoutez bien, regardez-moi, je vais lire le verset 24 et je vous dis donc ce que mon père est en train de dire. Tel qui donne libéralement devient plus riche. On est obligé de quitter, d'aller encore quelque part. Regardez. Qui connaît son avenir dans un an? Dans un mois? Dans une seconde? Deux jours? Ok, maintenant, comme on ne connaît pas, qui contrôle l'avenir? Seigneur Jésus-Christ. Ok, maintenant, si lui, donc, s'il y a un renseignement à nous donner par rapport à notre avenir, qui est censé nous donner? Seigneur. On lui vient de nous dire en réalité que quand tu as ta richesse, fais attention, parce que tu peux mettre un SCV. Les blancs décident qui quitte le pays, qui avait ton argent. Tu vas aller le poursuivre là-bas. Hein? Quand tu dois au pauvre, Dieu a donné l'assurance dans sa constitution. Même tu parles n'importe où, même si tu parles en Chine, tu parles la Bible là-bas, tu vas voir ça, même chose qui est écrit là-bas. Donc tu peux lui connaître sa promesse étant en Chine. Nous sommes d'accord. Tu parles n'importe où, tu parles n'importe quel verset biblique, ça va, tu dis que celui qui donne au pauvre prête à l'éternel. Donc ça ne peut pas changer sur la terre, ça ne peut pas changer. Donc Dieu lui-même est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Mais le SCB, quand il va aller là-bas, pour parler d'un avocat international, on voit effectivement c'est l'argent qui a l'argent. Lex Biao, vous savez ce que ça a fait aux gens ici? Beaucoup de personnes sont moins, pas vrai. Ceux qui ont beaucoup souffert de ces choses, ceux qui avaient mis leur espoir là dedans. Ces choses, si Dieu permet que ça arrive sur la terre, pour que les gens comprennent qu'ils peuvent mettre leur espoir dans les richesses incertaines. Parce que les banques, s'il y a un endroit où les grands voleurs s'y trouvent, et où c'est la plus incertaine, c'est au niveau de la banque. À tout moment, il y a des faillants là-bas, on dit vous, c'est terminé. Chacun se chauffe qui peut. S'il y avait une dernière que je devais mettre en bas, on l'a fermé. Tu dis que Dieu merci. Tu dis Joseph, Marie, Joseph, Dieu. Où c'est Seigneur? Alors Dieu dit ici que comme tu ne connais pas ce lendemain, ce que tu vas faire, c'est donc dans une banque qui est permanente. Ou une banque qui ne fluctue pas en fonction des événements. Parce qu'au ciel, il y a la stabilité pour toujours. Et celui qui est là-bas, le grand banquier là-bas, il n'y a pas de récession. Et par conséquent, sa banque est sûre. Sa banque est sûre. Alors, lorsque quelqu'un a sainte de cette façon, parce que le Saint-Esprit nous dit ici que, comme tu ne connais pas le lendemain, et normalement le principe humain veut qu'on meure comme ça parce qu'on a peur du lendemain, et vous ne connaissez même pas le lendemain, donc tant que vous avez peur, je m'utilise le lendemain, sème dans ma banque. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui amasse à apparaître devient plus pauvre. Puis, verset 25 maintenant, écoutez, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc, la personne qui fait du bien sera rassasiée. Oui. Verset 25. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est le principe de la Bible que je suis en église. Nous sommes bon. On y va. Celui qui retient le blé est maudit du. Donc tu as quelque chose, tu grattes, tu as quelque chose, tu grattes. Les gens le font chaque jour. On dit qu'en période de fête, il n'y a pas de riz. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils comprennent le principe. En juin, il achète le riz. Tu vas acheter le riz, il n'y a pas de riz. C'est là-dedans. Il attend qu'il y ait pénurie. Le riz qu'il avait acheté à 6 000, il dit maintenant que c'est 14 000 parce qu'il n'y a plus de riz dehors. Le même riz. On dit ici. Vous voyez, vous prêchez à les commerçants, il y a des quoi, si on dit la vérité, aux gens, les gens vont fuir. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Donc il y a les commerçants aussi, selon Dieu. Quoi que c'est un autre enseignement. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal est en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Vous voyez, frère? Mais les justes verront comme le feuillage. Celui qui trouve sa maison héritera du vin et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit des justes est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Vous y êtes frère? Alors, chapitre 24. Prenons d'abord le chapitre 21. Chapitre 21. Notez le verset 2 à 6. Vous pouvez noter. Chapitre 20 aussi, notez le verset 17 à 21. Allons au chapitre 21 maintenant. Vous avez au chapitre 21 là. Écoutez, bien, faites attention à ce qu'on va lire là-dedans, d'accord? Vous avez moi, je vais lire le verset 13. On avance, frère. Celui qui ferme, nous sommes dans le Proverbe chapitre 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du criant lui-même, Dieu lui dit félicitations. Non. Hein, frère? Non. Qu'est-ce qu'on a écrit? T'as écrit là? Donc, regarde quelqu'un. Dis si un pauvre te réclame des choses. Si un pauvre te réclame des choses. Tu refuses. Sache comme il est pauvre devant toi. Sache comme il est pauvre devant toi. Tu es également pauvre devant Dieu. Tu fermes ton oreille là-bas. Tu fermes ton oreille là-bas. Dieu fermera aussi son oreille à ton cri. Dieu fermera aussi son oreille à ton cri. Le pauvre lui crie parce qu'il a faim peut-être. Tu dis chien comme ça. On m'a dit que quand on donne mon argent, vous partez multiplier pour faire du mal aux gens. Il ne donne pas. On va voir cet aspect-là. Dans le développement, d'accord. Ici, la Bible dit que celui qui ferme ses oreilles, c'est-à-dire que le pauvre dit avec, tu dis que je ne comprends pas. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, il t'attend autour, autour. Non. Il dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même. Donc, ça veut dire qu'il y aura un événement qui va être créé. Pour le pauvre, c'est la famine, principalement. Pour le pauvre, c'est la famine, principalement. C'est pour ça que dans Esaïe 58, dans le vrai jeune, il va parler de ces choses-ci. La bienfaisance tout au long de nous. D'accord, frère? Il a regardé, il dit, celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera lui-même et le Seigneur l'entendra. Vous voulez être comme ça, frère? La source de bénédiction. Depuis la Bible, balayé l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas encore fini. L'Ancien Testament, c'est plein. Ce sont les principes d'abord. Avant d'aller dans le Nouveau Testament. Avant d'aller dans le Nouveau Testament. Il y a Esaïe là. Vous allez s'encarrer de comment il est venu, que ce soit aujourd'hui, que ce soit la prochaine fois. Et Deutéronome chapitre 26. La prochaine fois, on va y revenir pleinement dans le livre de Deutéronome pour voir les principes qui avaient été donnés au milieu d'Israël. Donc sachez que les pauvres, les orphelins, les étrangers, les veuves sont des sources de bénédiction, des sources de bénédiction que Dieu lui-même a décidé de nous bénir au travers d'eux. Amen. Deutéronome chapitre 26. Comme fait, je vais vous laisser bientôt. Pardonnez-moi. Verset 12, regardez. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, virgule l'année de la dîme, la troisième année appelée l'année de la dîme. Il n'y a pas de dîme par mois, ça ne se trouve pas. Vous y êtes? Voici le style des dîmes, c'est écoutez. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras au Lévi, et ils mangeront et se rassasieront dans les portes. Vous y êtes? Dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et j'ai donné au Lévi, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrit, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. Et j'ai oublié à la voix de ton Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrit. Vous y êtes? Regarde de ta demeure sainte des cieux. Et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, il dit, à l'issue du fait qu'ils vont nous donner ça aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à Dieu, il dit que faites dans la prière, demandez à Dieu de vous bénir, de vous bénir. Donc Dieu avait prévu cela même dans l'Ancien Testament, que les veuves, les orphelins sont des sources de bénédiction. Son principe n'a pas changé. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Nous m'avons dit là. Jacques. Ouais, non, on est dans le Nouveau Testament en plein là-dedans. James, le book of James. Jacques. Non, pas Jack, d'accord, frère. Dis Jacques. Jacques. Pas Jack. Ça, c'est le film de ça. Jacques. Jacques, chapitre 1, prière. On va se voir. La Bible, vous allez devoir la lire parce que comme il a ouvert le blanc, on va y aller tout à l'heure. Bon, ils se sont proches là. Jacques, le chapitre 1. Qu'est-ce que le verset 27 dit, mon cher? Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est le Nouveau Testament, frère. Amen. Religion en passant. Allons-y. Une fois encore. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous avez vu ça, frère? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Quand c'est dans l'affliction, visitez-les. Puis il y a assez à s'abstenir des souillures du monde. Le Nouveau Testament a des choses merveilleuses. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens marchaient selon la loi de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a une règle, parce que les peuples païens sont été ajoutés comme peuple de Dieu. Et par conséquent, on ajoute et à s'abstenir des souillures du monde. Sinon, ça veut dire que le principe humanité que font les Rotary Club et autres là, les francs-maçons, comme on fait à la fin des temps, à la fin des années, vous voyez comment on dit Rotary Club a donné des dons à tel orphelinat, tel ici. Mais moi, ça ne sert à rien. L'autre là, c'est des dons gratuits pour l'enfer. L'orphelin va bien manger, ça ne peut pas le bénir, parce que Dieu a dit à s'abstenir des souillures du monde. Donc tu donnes ceci à s'abstenir. Ah, Samuel, tu as donné 4 millions la veille passée. Très bon. Ça, c'est pour lui. Mais à s'abstenir des souillures du monde. Dans le Nouveau Testament, exige que tu vis d'abord dans la sainteté, puis tu fais les bonnes œuvres. Tu vois cela? Nous sommes dans le livre des Hébreux maintenant. Hébreux. Chapitre 13. Il dit très rapidement maintenant. Donc, il dit, mais nous sommes dans la première partie de cet enseignement, les sources de bénédiction. Maintenant, Hébreu, c'est toujours le livre, oui, là, toujours là-dedans. Maintenant, lis-nous le verset 1, 2 et 3. Allons-y. Le chapitre 13. Verset 1, 2 et 3. Persévérez dans l'amour fraternel. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Oui. Sans le savoir. Oui. Souvenez-vous des prisonniers. Vous aimerez ça, hein? Comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Oui. Que le mariage soit. Ça va, sur verset 4 maintenant. Maintenant, regardons. Verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez ça attentivement, encore ici. Verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Oui. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes au Nouveau Testament. L'Église se vous montre ce qu'elle a dit. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il n'a pas dit que celui qui va prendre des enveloppes dans l'église pour donner, pour montrer aux gens que c'est ça de laisser 100 000, 200 000, c'est ça des dons pour le Seigneur. Ça, c'est pour toi et ton pasteur, quand on te félicite, on te donne un poste. C'est que Dieu dit qu'il prend plaisir, c'est que quand tu es chez toi, mais c'est quand même terrible l'humanité ici. Vous voyez, quelqu'un sort comme ça de sa maison, il prend ce qu'il appelle les dîmes, il met dans l'enveloppe. Son voisin est en train de souffrir. Son un orphelin à côté de lui de souffrir, il part de l'autre dîme au bord. Bonne soirée. Être bon pour moi, je veux.